Hussein pour aller libérer l'Amérique des forces du mal. Chevalier de l'an 2000, tu t'en vas tout droit vers les réserves de pétrole de Saddam Hussein avec ta mitraillette et ton casque et ta bravoure. Chevalier de l'an 2000. Allez leur faire la pyramide, leur crisser une matraque dans le cul. Chevalier de l'an 2000. Chevalier de l'an 2000. Chevalier de l'an 2000. Tu n'aimes pas ça. Et seul endroit où tu peux aller danser, c'est dans les discothèques de Saddam Hussein. Et là, ils viennent prostituer irakienne. Et c'est que de l'armée canadienne. Et c'est que de l'argent américaine. Alors elle t'emmène dans une ruelle. Tu as eu l'aventure sexuelle. L'aventure sexuelle de ta vie dans les discothèques de Saddam Hussein, dans les discothèques de Saddam Hussein, dans les discothèques de Saddam Hussein, dans les discothèques de Saddam Hussein. Max, il faut que tu payes la taxe, non tu payes au max. Hey, relax Max, et tu sens qu'on t'attaque. Voyons Max, relax, c'est du Ajax. Que ça fasse dans le fax, à Mortal Kombat de Max. Tu prenais toujours Jack, tu savais face au Blacks. Max, faut que tu changes ton acte, va Halifax. Faire du cash, jouer du sac. Hey, relax Max, faut que tu payes la taxe, non tu payes au max. Hey, relax Max, et tu sens qu'on t'attaque. Voyons Max, relax. Minuit moins quart, il est très tard. C'est hey, relax Max qui joue. Mais c'est bien fun, mais il faut que tu retournes à la base. Tu es couché dans ton lit en train de penser à ta soirée. Cette belle soirée. Et là tu te revois, et tu revois dans tes rêves. Et tu danses, et tu danses. Et tu danses, et tu danses. Et tu danses, et tu danses. Et tu danses, et tu danses. calculé le prix présence? Ben voyons.